Yeah. La misère a un sourire, frère. La misère a un sourire, tu sais. El Matador, Brasco, Brasco. Yeah. Quand j'étais petit, c'est à peine si on fêtait mon anniversaire. Le Père Noël était une ordure qui avait pris perpète. Un daron au chômage et une mère volontaire qui gardait le sourire pour ses enfants même dans les pires galères. Quand c'est la bonne humeur, t'oublies les crampes à l'estomac. T'attends les allocs du début du mois avec courage. Ça m'a pas empêché de passer du bon temps. Le fait de partager un repas à 7 nous rendait contents. J'ai grandi dans l'amour de la chaleur familiale. J'ai pas envié les camarades de classe leur nouvelle Adidas. Je me suis dit chacun sa vie, chacun son rang social. Je parle pas souvent aux filles parce que mes habits sont trop sales. Je vais pas m'apitoyer sur mon sort et me mettre en pleurs. La pauvreté se surmonte, la richesse est dans le cœur. Malgré toutes les difficultés, j'ai refusé de souffrir. La vie m'a appris que même la misère savait sourire. Quand je me refuse de boire la tasse, on passe au-dessus des lois. Très vite on délire seul. La jeunesse a de la crasse et du sang sur les doigts. Viens faire un tour dans mon pays. Quand je me refuse de boire la tasse, on passe au-dessus des lois. Très vite on délire seul. La jeunesse a de la crasse et du sang sur les doigts. Viens faire un tour dans mon pays. Mais comment tu veux que j'oublie d'où je viens? Guada, ma ville natale. Mes parents qui me protégeaient de la rue et ces petites racailles. Parce qu'à l'époque on avait peu, ça se voyait dans mes yeux. Quand je rêvais de cette paire de Nike bleues. J'ai grandi dans ma germie sans faire l'heure à l'heure. Heureusement qu'il y a l'amour de la famille pour compenser le malheur. Toujours posté là où les gamins traînent. Pour jouer au foot on sacrifiait une canette pleine. Je me contente de ce qu'il y a dans la casserole. Y'a pas de galère, on partage le bout de pain et la boisson. Pour nous l'état c'est pas casser le cul. J'ai plus confiance au système D que la sécu. Enlève-nous cette joie de vivre et c'est le désert. Je l'ai vu sur le visage du daron quand il rentrait avec des cernes. Ma misère a un sourire qui endurcit ma cuirasse. Si je la contrarie, elle me fera des grimaces. Quand ce qu'on refuse de boire la tasse, on passe au-dessus des lois. Très vite on délire seul. La jeunesse a de la crasse et du sang sur les doigts. Viens faire un tour dans mon pays. Quand ce qu'on refuse de boire la tasse, on passe au-dessus des lois. Très vite on délire seul. La jeunesse a de la crasse et du sang sur les doigts. Viens faire un tour dans mon pays. J'ai eu une vie de merde, mais j'ai retenu que ses bons côtés. Dans les mauvaises passes, les difficultés m'ont rodé. Ça m'a pas empêché d'entreprendre des projets. Sais-tu ce que c'est que de vivre fauché, esquivant les crochets? Je me suis pas laissé abattre, j'ai joué toutes mes cartes. La misère pour époux jusqu'à ce que la mort nous sépare. Je ne regrette pas ce goût amer. Je suis fier de ne jamais avoir fait couler de larmes sur les joues de ma mère. Le moyen du bord est devenu notre allié. T'as beau avoir tous les diplômes, on te bloque l'allée. J't'en veux pas si tu viens des beaux quartiers. T'as pas choisi de naître avec une famille au placé. J'ai pas saisi mon rêve de mettre les miens en lieu sûr, je l'assume. Tant mieux si c'est une villa dans le sud. J'ai plus peur de la chute quand s'encaissent les coups durs. On fait avec ce qu'on a sur le bitume, c'est la coutume. Quand ce qu'on refuse de boire la tasse, on passe au-dessus des lois. Très vite on délire seul. La jeunesse a de la crasse et du sang sur les doigts. Viens faire un tour dans mon pays. Quand ce qu'on refuse de boire la tasse, on passe au-dessus des lois. Très vite on délire seul. La jeunesse a de la crasse et du sang sur les doigts. Viens faire un tour dans mon pays. Malgré toutes les galères, on a refusé de souffrir. Parce que la misère nous a offert un sourire. El Matador, Brasco, Brasco. À quoi ça sert de se plaindre? Viens avec. Yeah.